intervalle de sécurité peut être signalé par des lumières bleues? Oui, réponse A. Non, réponse B. Évite la propagation d'un incendie? Oui, réponse C. Non, réponse D.